Bienvenue dans ce Cargo Culte. Cargo Culte s'émancipe, figurez-vous. Cargo Culte a pris le large. Oui, mais Cargo Culte va maintenant chercher l'inspiration au loin des mers, voire loin de l'électricité. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous convier à la toute première de Cargo Culte Unplugged. Oui, on s'en rappelle, certains grands disques de rock ont été signés Unplugged. Est-ce que certains grands Cargo Culte le seront, ça l'histoire le dira. Et finalement, on n'est pas trop là pour en débattre aujourd'hui. Mais l'idée de ce Cargo Culte Unplugged, c'est que voilà, on n'est plus du tout dans un studio, on n'est pas même dans un centre d'art ou dans une médiathèque ou dans une salle de concert. On est totalement à l'air libre. Et ici, au sud des Cévennes, dans le département du Gard, pas très loin de Ganges, une quinzaine de kilomètres au-dessus. J'ai trop envie de vous convier à cette vue juste magnifique que j'ai devant moi, c'est-à-dire un ciel totalement ouvert entre deux montagnes. Alors, ces montagnes, en plus, elles se donnent un peu à voir en délai, vous savez. Et si vous criez dans la montagne, ça fait un écho, ça fait un tape delay. Oui, oui, exactement. C'est pas la musique qui a inventé le tape delay, c'est la montagne. Et assurément, les Cévennes où on se trouve en ce moment. Et Cargo Culte Unplugged, ça ne sera bien que parce que ce sera un équipage. Et pour ce premier-là, j'ai été trouvé, pas très loin des Cévennes, Thierry, mon vieil ami Thierry Lanquette, qui travaille à Montpellier. C'est grâce à lui que beaucoup de disques un petit peu bizarres peuvent être donnés à l'écoute et puis à partager, comme on le fait dans toute bonne médiathèque, mais celle-ci, elle est particulièrement bien. Et Thierry, c'est quelqu'un de formidable parce qu'il écoute les musiques parfois encore plus bizarres que vous et moi. Et surtout, il fabrique de la musique tout autant bizarre. Il est un de ces artisans de la six cordes qui peut tout à fait, à partir du cadavre d'une Telecaster et d'une Stratocaster, vous construire une autre guitare qui n'aura pas même de Fender le nom, mais qui pourra quand même en avoir un peu les sonorités. Et c'est à Thierry d'ailleurs que je dois ma guitare, que j'adore, qui est désaccordée comme il se doit. Merci Thierry d'être avec nous aujourd'hui. Oui, désolé pour tout le monde, parce que si je fabrique des guitares qui finissent désaccordées, je suis navré. L'open tuning, c'est toute une philosophie. Tu me l'as presque appris. Tout à fait. L'open tuning, ça remonte à très loin, très loin. C'est surtout connu par les bluesmen qui utilisent essentiellement. Mais le monde de la folk, le monde du rock, utilise l'open tuning. Je suis toujours étonné d'ailleurs, que vu les capacités d'accordage que peut avoir une guitare, pourquoi si peu finalement on joue de l'open tuning. Ce n'est pas une question à laquelle on va pouvoir répondre aujourd'hui. L'habitude de jeu, bien sûr, les convenances, sa zone de confort, l'apprentissage qui se fait avec une guitare accordée normalement. Tu es avec nous aujourd'hui pour un Cargo Culte dont tu as choisi l'objet. Effectivement, on n'est pas dans l'orthodoxie complète, on n'est pas tout à fait bien accordé, on est même parfois tout à fait mal accordé. Oui. Quel est ce disque qu'on va ensemble écouter et découvrir pour certains? Ok. Et d'ailleurs, le protagoniste du disque, un des deux, a toujours dit « Moi, je n'accorde jamais ma guitare. Si je l'accordais bien, on découvrirait que je sais trop bien jouer. » Allez, on révèle. C'est deux pour le prix d'un. Hein. C'est mot contre double Scrabble. C'est Jad Fair et Daniel Johnston pour leur album « It's Spooky », enregistré en 1988 et qui paraît en 1989. Donc, le double dose dans un Cargo Culte avec deux personnages cultissimes l'un et l'autre. Daniel Johnston est disparu il y a assez peu de temps, l'année dernière, en 2019. Un vrai drame, et bon, on va forcément un petit peu situer l'un et l'autre des personnages. Daniel Johnston est tout à fait, malgré lui, cet apôtre d'un low-tech, low-folk, low-pop, tout ce qu'on veut, en fait. Il est surtout quelqu'un qui est c'est un personnage, mais dont la personne, finalement, a totalement nourri le personnage. Il est totalement schizophrène, il faut dire ce qu'il y a tout de suite. C'est un personnage bipolaire et qui s'avère dangereux pour lui-même et dangereux pour les autres. Et c'est un personnage dont on a énormément entendu beaucoup de productions, essentiellement faites en cassette, d'ailleurs, avant des disques officiels, et dont toute la contre-culture américaine s'est emparée. Un personnage célèbre qui portait les t-shirts de Daniel Johnston, c'est qui Thierry? Ah, c'est Kurt, bien sûr, Kurt Cobain. Et Kurt Cobain a fait énormément pour la popularité de Daniel Johnston. Mais quitte à se méprendre sur les bonhommes, une espèce de gros nounours débonnaire, un peu géant, tout à fait souriant, mais qui est en fait un schizophrène ultra dangereux, comme je disais, autant pour les autres, mais probablement encore plus pour lui-même. Et la rencontre avec Jadfer était tout sauf prévisible, parce que Jadfer, lui, tout en étant totalement déglingué, est quelqu'un d'extrêmement normal, les pieds sur terre, et beaucoup plus savant, j'oserais même dire calculateur, hein, que Daniel Johnston. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry ? Oui, tout à fait. Jadfer, quand même, une carrière assez longue, parce qu'il a commencé, dans les années 70, milieu des années 70, avec son frère. Mais bon, il a rencontré beaucoup de gens de l'underground et même, on va dire, du milieu pop, voire jazz, parce qu'il a collaboré aussi avec John Zorn. Mmh. Jadfer, oui, qui revendique justement ne pas accorder sa guitare. Jadfer rencontre, dit-il, Daniel Johnston en 1985, à Austin. C'est la ville de Daniel Johnston. Alors Austin, c'est une ville du Texas. Et c'est la ville la moins texane du Texas. C'est pas Dallas, c'est pas Houston. C'est un grand campus universitaire, en fait. Un peu babacool, très écolo, avec des pistes cyclables partout. C'est rare aux États-Unis, ça vient d'être signalé. Et Daniel Johnston est un local artiste absolu. C'est une vraie star, mais local. Il distribue des cassettes à qui mieux. Oui, il a commencé à l'école, distribuer des cassettes aux copains, et après dans tout, on va dire, les commerces de proximité. C'est exactement ça. Et non seulement il fait ses cassettes complètement autoproduites, hein, avec de briques et de brocs, hein, avec divers instruments, la plupart de récup. Mais il fait aussi un artwork qui commence déjà à épater son entourage. En fait, on remarque d'abord Daniel Johnston pour ses dessins que pour sa musique. Et c'est son frère qui lui dit « Tu deviendras célèbre pour ta musique ». Ouais. Daniel Johnston, on saute les étapes, mais on pourra comme ça s'amuser à faire des sauts en avant, en arrière. Peu avant sa mort, il finissait par être plus reconnu pour ses dessins. Il y avait une cote sur le marché de l'art qui s'était multipliée par 10 en moins de 5 ans. C'était assez incroyable. Les dessins à 150 balles ou 200 dollars sont maintenant à 10 000 dollars. Et étaient déjà à ce prix-là, juste avant sa mort. Là, je pense qu'un an après sa mort, les prix ont dû grimper de manière peut-être quasi scandaleuse et stratosphérique. Du coup, Daniel Johnston... Je reviens un peu à ses amours de cassette et à la manière dont il est popularisé. Il se trouve qu'en 1985, MTV a un show, dont je ne me rappelle plus le nom, mais enfin, qui est très indie rock et local rock. Et un beau jour, il décide d'aller voir à Austin ce qui se passe, parce que c'est une scène quand même étudiante assez forte. Donc avec une scène indie rock hyper importante, des college bands, etc. Et évidemment, la surprise, c'est... C'est ce fameux bonhomme, un peu géant, un peu nounours, tout débonnaire, sourire aux lèvres, qui donne ses cassettes à tout va. C'est lui qui emporte le bon et qui devient la star du documentaire sur MTV. Et du coup, tout le monde a la puce à l'oreille sur le truc. Et comme Jadfer avait, je crois que c'était avec son frère, donc ça doit être le duo Half Japanese, avait joué à Austin, il s'est empressé de le rencontrer. Et ils sont devenus relativement copains, ils ont tenu une correspondance épistolaire pendant quelques temps. En plus, Jadfer est aussi dans l'artwork, il fait beaucoup, toutes ses pochettes, c'est lui qui réalise, il fait beaucoup de collages, moins de dessins, mais plus de collages. Collage assez intéressant aussi, il faut voir ses pochettes. Arrive l'année qui nous intéresse, 1988, et elle suit... Alors pourquoi 1988 ? Parce que c'est l'année de l'enregistrement de l'album qu'on va écouter là, It's Spooky. Alors, littéralement, It's Spooky, ça veut dire c'est horrible, ça fait peur. Et en fait, le titre n'est pas volé. Hein. Vous êtes prévenu. Le titre n'est pas volé. C'est, il faut voir que Daniel Johnston, c'est un peu lui le héros quand même de ce duo-là. D'abord, la plupart des titres, hein, sont des compos de Daniel Johnston. En fait, deux tiers Daniel Johnston, un tiers Jadfer, plus quelques reprises, alors notamment des reprises des Beatles. Mais ça, on pourra peut-être en parler dans un deuxième temps. Parce que Daniel Johnston est un fan absolu des Beatles. Et on peut avouer publiquement ici, au cœur des Cévennes, au milieu des Cigales, que Daniel Johnston est la seule personne au monde qui chante mieux les Beatles que les Beatles. Oui, oui, tout à fait. Et puis de toute façon, je pense qu'il était les Beatles à lui tout seul, dans sa tête au moins. Oui, au moins. En 1987, Daniel Johnston pète les plombs. Alors, il pète les plombs souvent, il pète les plombs tout le temps. Attention, c'est une schizophrénie, c'est pas juste une petite coquetterie maladive. Dan Juston est réellement malade. L'essentiel de l'année 87, il la passe sous une médication radicale. Il quitte très peu une chambre d'hôpital, il compose pas, il chante pas non plus, il fait à peine quelques dessins. Du coup, le traitement de 1987, certes radical, a semblé quand même efficace. Et Daniel Johnston sort un petit peu de sa condition. Il va notamment aller à l'invitation de... Steve Shelley. Exactement. C'est Steve Shelley, Sonic Youth, je ne trouvais plus son nom. C'est le batteur. Hein, le second batteur, qui n'est pas le premier batteur historique, mais on va dire le batteur qui a vraiment façonné le son du groupe quand même. Et donc, youpi, Daniel... Enfin invité à New York. Alors non seulement invité à New York, mais en fait tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Les membres de Sonic Youth, bien sûr, mais toute la scène indie de l'époque. Même Moe Tucker. Ouais, Moe Tucker. Batteuse elle aussi. Une grande batteuse dans l'éternel, la batteuse du Velvet. Voilà, la deuxième. La deuxième là aussi, la deuxième. C'est pareil, la deuxième. Et ma foi, Daniel prévoit de rester deux semaines entières à New York. L'arrivée est formidable, il se fait des copains tout de suite. Mais deux, trois jours après, ça ne se passe pas bien, en fait. Ça va très, très vite déraper. Pète les plombs. Il y a un document assez extraordinaire dont je recommande de la vision. On va même y référer un petit peu. C'est le film « The Devil and Daniel Johnston ». C'est un documentaire autour de la figure de Daniel Johnston qui est fait en 2005. C'est un film qui avait fait sensation à Sundance. Je crois qu'il est primé même d'ailleurs à l'occasion. Et on y documente assez précieusement justement cette balade à New York qui devient une dérive complètement incontrôlable. Parce que suite à un concert où Daniel Johnston va exhorter le public de sortir le diable qui est en lui... Number 9. Alors évidemment, en reprenant ce fameux Number 9 des Beatles, hein, on répète que pour lui, il y a Dieu, il y a les Beatles, mais surtout, il y a le diable. Et s'il y a un truc dans lequel croit réellement Daniel Johnston, c'est le diable. Et non seulement il croit dans le diable, mais il est convaincu, il sait que le diable en a après lui, évidemment. Donc Daniel Johnston va se mettre en quête d'exhorter comme ça toute son audience. Mais quelle audience dont tout le monde devait arriver à l'époque, parce que c'était toute la scène indépendante du New Jersey et de New York qui était là, de Yola Tango à Sonic Youth, et qui se rendent compte que, en fait, Daniel Johnston, c'est pas du tout du second degré, c'est pas du tout une blague, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un type qui est réellement habité et extrêmement dérangé. Et là, ça va pas, ça part en couille, hein, on se permet l'expression, même à la radio. Daniel va s'enfuir. Il s'enfuit, il le retrouve beaucoup plus loin. Il visite aussi la Statue de la Liberté, à l'intérieur de laquelle il dessine les fameux poissons catholiques. Oui, chrétiens en tout cas, de la première ère chrétienne. Ouais. Et pour lui, oui, il était obligé de faire ça, de dessiner ces poissons dans la Statue de la Liberté. Voilà, il répand la bonne parole à sa façon. Bon, là, il se fait arrêter quand même, c'est une amende. Ah oui, on est quand même dans les statues, dans les escaliers de la Statue de la Liberté, ça se passe pas bien. Mais ça encore, c'est à peu près drôle. Alors, ses amis le retrouvent sur un parking du New Jersey, c'est juste un peu miraculeux. Alors certes, le New Jersey, c'est juste en face de New York, hein, on traverse l'Hudson et on y est, mais à Jersey City. Mais donc, le temps de faire peur à peu près à tout le monde. Il est après plus ou moins à gare. Il se retrouve dans un foyer en fait sur le Bowery dans New York, à downtown New York. Ça se passe pas bien là. Hein. Je crois qu'il se fait casser la gueule. On lui dépouille ses affaires. Et ses amis, en tout cas ses hôtes, Sonic Youth et les autres, lui disent voilà, retourne, prends un Greyhound, c'est-à-dire le bus, quoi, pour repartir au moins auprès de ses parents. Bon, il hurle, hein, il veut pas de ses parents. Il y a une vraie peur des parents. Il veut pas que ses parents apprennent ses conneries, ses bêtises. Ouais. Il faut dire que Daniel Johnston est le cadet d'une famille de 5 enfants. Je ne sais pas si ceci explique cela, hein, parce que les problèmes psychotiques de Daniel Johnston, ils datent de l'enfance. Hein, ils sont clairement signifiés dès l'enfance. Donc il est médicalisé très tôt, dès l'adolescence. Il est inapte au travail, il est inapte aux études. Très doué en dessin, mais totalement inapte à conduire quoi que ce soit. Quoi. C'est pour ça qu'en 88, ça s'avère comme une forme de libération possible, mais libération totalement mégalomaniaque. C'est-à-dire que quand Daniel Johnston est à New York, il dit « New York m'attend ». Je suis à New York en mission. Probablement une mission conduite par Dieu, évidemment, hein, qui pourra mieux la conduire que Dieu lui-même. Donc, il y avait deux objectifs à cette venue à New York, notamment une importante, hein, puisqu'il fallait qu'il rencontre Mark Cramer, tout le monde l'appelait Cramer. Hein. Wayne. Ouais. Non, pas, c'est pas Wayne Cramer. Ah oui, Mark Cramer. C'est Wayne Cramer. C'est Wayne Cramer, t'as raison. Merci. Et les studios de Wayne Cramer, bon, bien connus, hein, tout le monde était un peu, toute sa scène était passée à l'époque, c'était Noise New York. Et à la clé, un disque sur le label de Wayne Cramer. Pareil, le nom du label m'échappe. Mais il y aura un disque qui se fera mais un petit peu plus tard. Et accessoirement, la rencontre avec Jad Fair, mais qui se retrouve différée. Bref, New York ne se passe pas bien. Donc, Daniel est renvoyé presto à la gare routière à prendre un Greyhound. Il est censé être dans le Greyhound. Non, finalement, on le retrouve deux jours à New York, encore après, aéré. Enfin bref, rien ne va plus. Finalement, il part quand même et il retourne chez ses parents, hein, qui sont en Virginie. Ça doit aller pendant un certain instant, puisque de la Virginie, il va dans le Maryland. C'est pas loin, hein. Tous ces coins-là sont quand même la côte est des États-Unis. Et c'est dans le Maryland qui va se passer quelques semaines avec Jad Fair. Et puis le frère aussi, hein, puisque Daniel est là, il va filmer en fait les sessions. Donc même si Al Japanese n'est pas officiellement là, pour la petite histoire, Jad Fair et Al Japanese, on les a souvent confondus. C'est vrai qu'on peut les confondre. Jad Fair, c'est Jad Fair seul. Al Japanese, c'est Jad Fair plus son frère Daniel. Et le fameux disque qu'on va décortiquer aujourd'hui, parce qu'on met du temps à y venir, mais il faut situer le contexte. It's Spooky se fait donc entre Jad Fair et Daniel Johnston, mais avec le coaching et le support vidéo de Daniel. Donc du frère, pas de Daniel Johnston, mais du frère de Jad Fair, dont le prénom est, finalement, je crois que je confonds. Il me dit Daniel, mais c'est Daniel, il me semble que c'est... Oui, David. C'est peut-être écrit. Oui, Dave. Bon, enfin... Oui, quelque chose comme ça. Ah, on va vérifier au cours de route. Voilà, on reviendra dessus. Le truc, c'est qu'on parle jamais. Comme on est en haut des Cévennes, là, perché loin de Wikipédia et de Google et toutes ces logistiques numériques, on ne peut pas savoir. On ne peut même pas rattraper l'erreur en cours de vol. Ce qui n'est pas d'ailleurs très, très important. Donc, enfin, une trêve, enfin, quelque chose de bien se passe, c'est ce disque qui va se faire avec ces deux personnes. Je propose qu'on l'écoute avant de savoir comment on va sortir de ce disque-là après. Bon, en fait, ça se passe pas bien après. On va spoiler, mais effectivement, comme toujours, la trêve paradisiaque, ça va s'effondrer un mois après. Bon, mais avant qu'on s'effondre et avant qu'on aille sur un drame, bon, c'est un petit drame, somme toute. Le vrai drame, ce sera la mort de Daniel Johnston. Elle est récente, elle date de l'année dernière. Je propose qu'on écoute cet album, It's Spooky, mais bah Thierry, dis-nous un petit peu ce qui fait que cet album, pourquoi il a beaucoup de charme, pourquoi des gens l'adorent et d'autres le détestent. C'est assez amusant que dans la scène low-folk, il y a des gens qui ne sont pas dedans, y compris des fans de Jad Fair ou des fans de Daniel Johnston, qui trouvent que ce disque a quelque chose d'opportuniste, pas réussi. Ce en quoi je ne suis pas d'accord du tout, en fait. Mais c'est un disque qui ne fait pas du tout l'unanimité. Pourquoi ? Alors, pour moi, c'est une réelle rencontre, une vraie rencontre entre, oui, ça pourrait être Dubuffet qui rencontre Gaston Chessac, quelque chose dans cet esprit. Oui, c'est brut, évidemment. Voilà, on est vraiment dans l'art brut. Je pense qu'ils se font réellement plaisir. La plupart des chansons, quand même, beaucoup de chansons de Daniel Johnston sont chantées par Jad Fair. Il y a un réel échange. Pour moi, c'est vraiment un disque de réelle complicité. Après, c'est très minimal. Je pense qu'au niveau production, on a rarement fait pire. Oui, ce qui, pour moi, est une qualité. Oui. Non, mais c'est vraiment parce que même ces gens-là en solo, qui sont dans la low production absolue, sont peut-être rarement aussi sous-produits que ça. Il faut signaler les reprises. Vous allez reconnaître de suite les reprises. Vous allez reconnaître les Beatles. Et surtout, il y a notamment une reprise du seul morceau des Beatles que personne ne peut reprendre. C'est Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, c'est ce morceau qui est conclusif de l'album Revolver, les Beatles, et qui est impossible à refaire. Les Beatles eux-mêmes n'ont jamais joué sur scène. Avec les bandes à l'envers. Puisqu'il fait intervenir des bandes à l'envers, plein d'effets électroniques, de pitch de l'époque. C'est bizarre, possible. C'est mon album préféré des Beatles. Ben oui, non, mais puis... Sauf le morceau le pire qu'ils aient jamais écrit, qui est quand même Yellow Submarine, qui est dans Revolver. Mais oui, oui, oui. Alors, on peut dire la même chose d'ailleurs avec Sgt. Pepper, et puis les morceaux, ouais. Mais quel album Mais évidemment, le plus grand morceau des Beatles, c'est Tomorrow Never Knows. Il faut le dire et le redire, quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord avec nous. Il se l'approprie très bien. Voilà. Oui, et vous allez voir qu'il y a quand même une bande à l'envers, mais bon, voilà, c'est comme... Enfin, vous allez voir. Ça tient de la charrue, mais bon, quand le low-tech devient sublime et minimal à ce point-là, qui sait s'il n'est pas guidé, parfois, par les pas de Dieu ou par les pas du diable dans le disque qu'on va écouter. On va en écouter une version assez longue. Il y a une réédition très complète de ce disque qui fait quasiment 70 minutes. Je propose qu'on se l'offre. Avec 31 titres. À l'origine, il y en a 26. Mais ce qui était quand même assez considérable. Hein. Bon, beaucoup de titres très très courts, vous allez voir. On saute allègrement du coq à l'âne. Mais c'est tout ce qui fait de ce disque aussi l'intérêt. Il y a comme une espèce de mixtape totalement intimiste entre deux personnes qui sont en dialogue permanent, finalement. Bonne écoute et on se retrouve... Bientôt. Et on va se rendre compte aussi que Janis Joplin était un excellent batteur. Absolument. Et avec deux baguettes, s'il vous plaît. So it seems. man, you, poor you, poor you, no one understands you. How are you? Public access television. He said he signed his soul to the devil. I heard him on the radio singing, "Don't shake me, Lucifer." This guy came to McDonald's, said he wanted to do a video. He said, "I've worked with Rocky Erickson." I said, "Let's make a horror movie." Took the bus across town, and we came to Rocky's home. We walked in, it was eerie. He was playing guitar with his records all alone. We were going to make a film called The Damn Thing, but it never came about. But I always went to his house. Mom would make chicken, and we would watch horror movies. The last time that I saw him was when he did a show. Me and Teresa Coffee went and saw Rocky play. He sang Bloody Hammer and Two-Headed Dog. The band was True Believers, but the promoters turned the power off. He said, "I've been drinking lots of blood." The crowd went wild. I met Rocky Erickson. I met Rocky Erickson. I met Rocky Erickson. Don't have girl. Golly, baby, I'm a lucky cuss. Talk about it, girl. Saying to dead boy, you and me us lucky to be us. He's got McDonald's on the brain, it's plain to see. When I saw him on the street, the first thing he said to me was, boy, we sure can make those Big Macs fast. He's got McDonald's on the brain, it's plain to see. They've got McDonald's on the brain, it's plain to see. They sat around on their 15-minute break, showing the scars on their arms. They bragged about how fast they made those hamburgers and talked about the times that they got burned. They've got McDonald's on the brain, it's plain to see. I did acid with Caroline and we both had a real good time. We talked till 2 in the morning, playing records, and I showed her some drawings. I did acid with Caroline, and we were one, we were one. We climbed up top of a building and looked out over the city. The night was cool, the wind was blowing, there were dead crickets everywhere. I did acid with Caroline, and we were one, we were one. I did acid with Caroline, we burnt candles all night long. She showed me strange books of black magic, my head was really spinning. I did acid with Caroline, and we were one, we were one. I did acid with Caroline, and we both had a real good time. We talked till 2 in the morning, playing records, and I showed her some drawings. I did acid with Caroline, and we were one, we were one. All a little too only known I could have said something sooner. I really did think it would last. Now it's too late, it's over now. My future is all in my past. Have you heard the news? Well, well, my dear, tongues wag in this town. Tongues wag in this town. Tom told Mary, Mary told Joe, Joe told Sarah and Cindy told Lisa and me. Have you heard the latest? My, my, my. Tongues wag in this town. Tongues wag in this town. When you hear the dirty lies that ruin people's lives, you'll know that it's a crime and an evil thing. And the friend. word a treasure, more precious than silver or gold. Every word a treasure, a vow of love eternal. A vow of love, the truth now known. You might not believe, but someday you may grieve and wish that you did. The land laid to waste before his feet. Frankenstein conquers the world. Castles in flames, oceans collide. Frankenstein conquers the world. We got the shock of our life on the day he was born. Frankenstein conquers the world. Who would have thought it would come to this? It looks so good on paper. The creature we created will now destroy us. The beast will rise from the sea, and he'll rule the earth with an iron fist. Frankenstein conquers the world. He'll bring death to those would oppose. Frankenstein conquers the world. Millions will be slaughtered, sons and daughters. Frankenstein conquers the world. The land laid to waste before his feet. Frankenstein conquers the world. Castles in flames, oceans collide. Frankenstein conquers the world. All the world. It's going to happen. It's going to happen. can't get over myself falling into the hands of love. Just can't imagine myself falling head over heels in love. But when I saw you last night, I knew for the first time that you were the one I've been dreaming of. I can't get over myself falling into the hands of love. Falling into the hands of love. But when I saw you last night, I knew for the first time that you were the one I've been dreaming of. I can't get over myself falling into the hands of love. Love, sweet love. But when I saw you last night, I knew for the first time that you were the one I've been dreaming of. I can't get over myself falling into the hands of love. Just can't imagine myself falling head over heels in love. Love, sweet love. Love, sweet love. Love, sweet love. Love, sweet love. Love, sweet love. Love. One, two, three. I want to know where she goes. I want to know what she does. I wonder who are these people she likes so much better than me. She feels bad enough. Things did not work out. And when she sees me and she lets her guard down, she's kicking the dog, she's doing wrong. She's kicking the dog, she's doing wrong. And it doesn't help anyone, no, not at all. I said I had a girlfriend. Made me scared of the world. The way it sounds when I wrote it down makes her hate that girl. I turned myself inside out to put the blame on her. And when she sees me and she lets her guard down, she's kicking the dog, she's doing wrong. She's kicking the dog, she's doing wrong. And it doesn't help anyone, no, not at all. We walk around and try to talk, but I'm just twisting her arm to try and get what I want. I just don't know when to stop. I'm twisting her broken arm. I'm twisting her broken arm. I'm kicking the dog, I'm doing wrong. We're kicking the dog, we're doing wrong. And it doesn't help anyone, no, not at all. Kicking the dog. We're kicking the dog. Kicking the dog. Stop kicking the dog. Thank you. the birds that fly way up high in the sky, they know why. And what I mean, my mind's tattooed. I can't forget you, I can't forget what I seen. Walking the floor over you. I'm talking to the walls, but it's no use. They've heard it all before. I'm climbing a tree. Just look at me, hanging like a dead man. I know that you can't understand. You never offered me a hand. All through the years, you had me deceived. I never would have believed what you've done to me. You'll do to others. You come on like a lover, but I'll let them know the truth about you. You'll never work in this town again. Pay for what you've done, because you are the one who deserves the worst. I've left you now, and I will return to the one I was with first. Last night he was breathing his last breath. A needle full of heroin was all that he had left. I can see that you make music, 'cause you carry your guitar. But God help the troubadour who tries to be a star. Songs. Don't play the chords of fame. I've seen my share of hustlers as they try to take the world. When they find their melody, they're surrounded by the girls. But it all fades so quickly, like a sunny summer day. Reporters ask the questions, they write down what you say. So play the chords of love, my friends. Play the chords of fame. But if you want to keep your songs, don't play the chords of fame. They'll rob you of your innocence, they'll put you up for sale. The more that you will find success, the more that you will fail. I've been around, I've had my share, and I really can't complain. But I wonder who I left behind the other side of fame. So play the chords of love, my friends. But if you want to keep your songs, don't play the chords of fame. They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. I'll play the part. go out and have your fun. You can hide, but you can't run. Do anything you feel like doing, like there is no tomorrow. Well, let me tell you, friend, there is no tomorrow. No tomorrow. No tomorrow. No tomorrow. No tomorrow. The end is near. He was smiling through his own personal hell. Dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close, and then he fell. Now he's Casper, the friendly ghost. Was always polite to the people who tell him that he was nothing but a lazy bum. But goodbye to them, he had to go. Now he's Casper, the friendly ghost. Nobody treated him nice while he was alive. You can't buy no respect, like the librarian said, but everybody respects the dead. They love the friendly ghost. They say we'll never forget what he learned us. We were mean to him, but he never burned us. And love lives forever, thanks to you, the friendly ghost.

Well, I just left my babies in Nashville, Tennessee, and I won't be going back there, Tennessee. Well, I've all been sad and lonely. I won't be singing that song that long. I'm going on back home to Tennessee. Well, when I seen them, she blew me wrong. I sitting on the door and the night be crying all night long and lonely. Oh, it is just this energy. And then in my DVD, I'm going back to Memphis, Tennessee. I'm going back to Tennessee. Thank you. gone and it'll never come back in mine. It's wasted all the time. Tears, stupid tears, bring me down. I got lucky by coincidence, but I got my feelings bent. Down. is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. Lord knows we've got enough pornography. There is X-rated theaters everywhere. Lord knows we've got enough crack houses. There are crack houses on every block. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. Lord knows we've got enough heavy metal bands. Seems like the whole world is bowing down to Satan. Lord knows we've got enough devil worshippers. There are secret cults in every town. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. Lord knows we've got enough wars. They have filled the graveyards, no vacancy. Lord knows we've got enough atomic bombs. They could blow up the earth 3 times. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. The world needs love. The world needs love. The world needs love. The world needs love. Daddy? Yes, son? What is hell? Well, son, a funny thing about hell is that it's better to burn in hell for all eternity than to bother to try to live a good life while you're alive on this earth. And by the way, if you see the Butthole Surfers this weekend, be sure and tell them, Satan! Satan! Satan! Yes, son? Who is the god of rock and roll? Satan! Satan! Satan! Satan! Yes, son? Who is the author of all lies? Satan! Satan! Satan! Yes, son. What is it this time? Who is Wayne Newton? Satan! Satan! Satan! Who is the god of rock and roll? Ben on le sait, hein, on l'a pris aujourd'hui. Voilà. Satan, Satan, Satan. Donc bon, bah c'est, il a guidé son pas et surtout les embûches de Daniel Johnston. Alors à préciser que la chanson là, qu'on entendait, Satan, Satan, Satan, c'est une reprise. C'est les Bottle Surfers qu'il avait fait à l'origine. Et non, ça convient à qui mieux à Daniel Johnston. Ici, associé à Jet Fair. Donc voilà, on s'est offert les 70 minutes in extenso de l'album Spooky, hein, qui sort en 89, qui est enregistré en 88. C'est l'année transitoire pour Daniel Johnston. C'est celle où on pense qu'il est guéri, et c'est celle où on a tout faux. En effet, ça guéri, se passe pas bien après. Guéri, mais c'est une mauvaise médication qui a été donnée à Daniel Johnston, et surtout c'est une médication qu'il a arrêtée de lui-même très brusquement, ce qu'il ne faut jamais faire. Ouais, bah, l'histoire d'ailleurs est claire là-dessus, et je réfère encore au très chouette film, hein, je vous recommande une deuxième fois, The Devil on Daniel Johnston, un documentaire de 2005 qui était primé à Sundance. Et donc après l'enregistrement dans le Maryland, là il revient en Virginie pour aller pour retourner donc chez ses parents. La crise est un petit peu passée après les drames de New York qu'on évoquait. Et voilà, il sort du Greyhound, le bus qui l'amène chez ses parents. Il arrive tôt le matin. Il y a une lumière, il y a une petite vieille à la fenêtre, là, au deuxième étage. Daniel Johnston se met à lui hurler justement à peu près le genre de son qu'on entendait là. Satan, Satan, Satan, garde à toi, le monstre est derrière toi. Donc il court, en fait, il va défoncer la porte, il va courir vers elle. La petite vieille, elle est paniquée, elle est tellement paniquée qu'elle saute du deuxième étage dans son jardin, quoi. Elle se fracasse les hanches. Elle se fracasse les deux hanches, quoi. Donc on en rigole, mais enfin évidemment, ça porte quand même pas mal de problèmes. Faut voir que Daniel Johnston, c'est un colosse, c'est un espèce de gros nounours qui fait 1m90, qui fait déjà plus de 100 kilos. C'est Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, quoi. Il manque plus que le masque, donc la mamie, elle est terrorisée. Johnston va aller en prison, évidemment, pour ça. Bon, et son état de santé va quand même justifier qu'il sort de ça, mais enfin voilà, il va être à nouveau médicalisé, etc. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que c'est le moment où Daniel Johnston va devenir une espèce d'icône, en fait, hein, de la contre-culture. En cela, le fameux t-shirt réplique de l'album How Are You, dessiné par Daniel Johnston lui-même et porté par Kurt Cobain, sur tous ses concerts, revendiqué par tous les kids de Seattle et reproduit sur MTV, vont acheter de faire de Daniel Johnston un mythe. Et ça, c'est quelque chose qui lui échappe complètement. Mais du coup, le jeu consiste à partir des années, de la fin des années 90, finalement, c'est à celui qui va, plutôt à la fin des années 80, début des années 90, c'est à celui qui citera le plus Daniel Johnston qui gagne, quoi. Donc les Bottle Surfers vont un peu, je sais pas lequel des Bottle Surfers va produire le disque peut-être le plus produit de Daniel Johnston en 94. Toi, tu dois te rappeler du titre, Thierry, sûrement. Fun. Exactement, Fun. Pas d'ailleurs le meilleur disque. Et puis il y en aura un autre où Daniel Johnston va faire le duo avec plein de gens super, en fait. Et là encore, c'est pas complètement convaincant, je trouve. Non, oui. Effectivement, Daniel Johnston, après cette période, étant plus connu, va vers des disques un petit peu plus produits et on le retrouve un peu moins. Il s'y perd peut-être un petit peu plus aussi. Ouais, paradoxalement, ça lui réussit pas tant que ça, finalement. C'est un petit peu dommage. Les hommages à Daniel Johnston se sont succédés. Et je pense que la plupart avec une vraie authenticité. Le dernier en date Et là, on saute aux semaines, aux mois qui précèdent la mort de Daniel Johnston. Hein. Il meurt en 2019. Et dans l'année qui précède, mais 6-8 mois avant, la campagne de pub de Apple se fend d'un morceau presque entier de Daniel Johnston sur plus d'une minute et 10 secondes, avec un clip vu des millions de fois passé. Enfin, et avec un cynisme inouï, Apple vend donc son savoir-faire hyper technologique, industriel, enfin, c'est pas la peine de présenter Apple et encore moins de présenter leurs intentions, avec une musique de Daniel Johnston. C'était une de ses toutes premières musiques autoproduites sur une cassette de 1982. Ce jour-là, j'ai eu une larme quand même, parce que là, c'était... Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Pas de réponse à ça. En guise de larmes de fin, on va plutôt évoquer la chanson Épitaphe qui a été complètement reprise dans les réseaux sociaux à la mort de Daniel Johnston l'année dernière. Le titre est absolument prophétique, c'est très joli. Something lasts a long time. Et c'est une chanson qui était dans le répertoire de l'album enregistré là, puisque c'est une chanson qui est co-signée par Jadfer. Donc on est encore complètement dans le ton de l'album It's Spooky qu'on écoutait là, mais qui va être définitivement enregistré, et toujours donc par Kramer, non pas Wayne Kramer, mais bien Mark Kramer. Toutes mes confuses, c'est l'altitude, le manque d'alcool, j'ai pas pris mes cachets moi aussi. Oui, les cachets. On en profite pour rappeler que Mark Kramer, c'était quand même donc le guitariste du MC5. Le Wayne Kramer, le guitariste. Wayne Kramer, voilà. Et que Mark Kramer, c'était donc le boss des studios Noise New York, et puis du label, dont je ne me rappelle plus trop le nom, mais sur lequel c'était donc fait et mixé l'album avec Jad Ferla. Et puis l'album, le premier album vraiment officiel alors de Daniel Johnston, qui va sortir lui en 1990, et qui s'appelle tout simplement 1990. Voilà. Et en guise de sortie, justement, cette chanson absolument, absolument superbe, ce sera vraiment notre épitaphe, effectivement, pour Daniel Johnston. J'en profite pour te remercier tout plein, Thierry. C'était formidable que tu nous fasses partager ce coup de cœur pour un disque forcément plein d'amour, quoi. Avec plaisir, même si je dis beaucoup de bêtises, mais bon, j'étais là pour ça, surtout. C'est l'enjeu de Cargo Cult, encore plus de ce Cargo Cult Unplugged. Merci d'avoir été là, bis à tous. Thank you. it's not funny,